Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Radio Gémozo 107 FM. Il est 16h, nous sommes jeudi 20 juin. Vous nous suivez également sur le web www.radiogémozo.eu ainsi que sur les réseaux sociaux. Alors plus de 800 personnes ont été touchées par la publication de cette semaine. C'est pas mal. Bonjour le Québec, il est 10h. Je fais un petit coucou à ma petite équipe. Bonjour Lia. Bonjour Gilou. Tu vas bien? Ben, je vais très bien, merci. Voilà, avec toi. Le soleil, tout va bien? Ben ouais, toujours. On aurait pu faire l'émission. Ah, mais merci. On aurait pu faire l'émission dehors. C'est vrai. À l'extérieur. Alors, vous êtes avec Gilou dans les années bonheur. Je vous accompagne en musique et en direct. Nous sommes ensemble jusqu'à 17h. J'ai le plaisir de recevoir dans quelques instants par téléphone Christian de Lagrange. Souvenez-vous. Petite fille. Petite fille, je sais pourquoi tu pleures tous les jours. Tu es en train d'apprendre ton amour. Ce que l'on veut t'avoir, on ne l'a pas toujours. Petite fille, celui que tu attends ne viendra pas. Tu ne vois plus personne, tu restes chez toi. Tu crois qu'au monde, il n'y a que ce garçon-là. Je suis amoureux de toi, Rosetta. Je voudrais le crier sur les toits. Oui, Rosetta, moi qui ne croyais pas à l'amour, je deviens pour toi le troubadour. Voilà un petit rappel pour rafraîchir un petit peu nos auditeurs, nos auditrices. Et puis j'ai bien sûr deux invités à côté de moi, voilà, qui sont là, deux fans de Christian. Je parlerai tout à l'heure. Alors bien sûr, ça c'est un petit rappel pour cette émission. Christian va nous présenter son tout dernier album En toute simplicité, sorti le 7 juin dernier. N'hésitez pas à nous laisser des messages sur la page Facebook de notre radio, ainsi que sur la page Gilles Mougel officielle. Je transmettrai en direct à mon invité que je retrouve maintenant. Bonjour Christian. Bonjour à tous. Bonjour, et avec le temps qu'on a passé à écouter tout ça, ben voilà, c'est fini, au revoir. J'ai essayé de faire succinct, Christian. Oui, non, mais juste un petit peu, tu vois, comme je disais, pour rafraîchir un petit peu. C'est très gentil de ta part. Non, mais je t'en prie, et puis bon, ben, j'ai avec moi deux fans qui sont là. Oui. Voilà, donc une dame qui s'appelle Sylvie. Bonjour Sylvie. Voilà, elle va te répondre. Et puis Christian aussi, qui est un fan, un homme qui est là. Ah bah ça fait plaisir d'avoir des hommes un peu de temps en temps. Bah, alors, c'est vrai. Quand même. Bonjour Christian. Bonjour. Ah, ça c'est Sylvie, c'est pas Christian. Exact. Oui. Ça c'est lui, oui. Bonjour Christian. Moi c'est Christian. Ah, voilà. Ça c'est pas Sylvie, c'est Christian. Voilà donc on a deux Christian. On a deux Christian en antenne, hein, c'est aujourd'hui. Alors Christian, moi je voulais te remercier pour avoir accepté mon invitation pour cette émission. C'est bien. C'est très gentil. Et puis, merci aussi d'être fidèle à notre radio. Mais c'est toujours avec le même plaisir, un grand plaisir d'ailleurs. Ouais. Et puis tu sais que ça fait la quatrième émission que nous faisons ensemble. Tout à fait. Il y a eu 2013, 2015, 2016, et puis nous revoilà ensemble aujourd'hui. Oui. Mais ça fait vraiment plaisir de te recevoir. Puis je voulais faire aussi un petit coucou à Fanny qui est toujours très très active. C'est à Paris actuellement, oui. Voilà, hein, qui est toujours très active, et puis pour sa collaboration, quoi, pour préparer l'émission. Bah, bien sûr, puisque c'est elle qui s'occupe de moi aussi, voilà, c'est très bien. Oui, bien sûr. C'est très très bien. Alors voilà, donc un nouvel album, Christian. Oui. En toute simplicité. Tout à fait. Voilà, un bel album. Alors, je rappelle, tu interprètes, bien sûr, tu es auteur, compositeur aussi ? Non, je suis auteur seulement. Auteur seulement, voilà. D'accord. Voilà. Ouais, pourquoi cette question ? Parce que c'est vrai que j'ai regardé, enfin, donc, sous les textes des chansons, hein, ouais. J'ai vu que tu travaillais, alors tu me dis si je me trompe, avec peut-être des nouveaux auteurs. Avec d'autres auteurs, oui. D'autres auteurs, hein, notamment Thierry Brenner, hein, pour la toute première chanson, enfin, je dirais la chanson éponyme de ton album. Mais Thierry est connu comme le loup blanc, toutes les radios que je fais, on parle de lui. Mais oui. Génial. Alors, écoute, Christian, j'ai déjà un petit message de Thierry. Oh, alors, c'est un super mec. Écoute, je vais te le lire, hein, je vais te le lire. Alors, ouais. Bonjour Gilou, quand tu auras Christian au téléphone et que vous aborderez Répare-moi, demande-lui si la chanson l'a réparé ou s'il a encore besoin de passer chez Castorama pour d'autres pièces détachées. Non, d'autres pièces détachées, non, mais d'autres chansons, d'autres belles chansons comme celle-ci, oui. Oui, d'accord. J'espère, on aura l'occasion d'en faire d'autres. Mais bien sûr, le message est passé. C'est vrai que Thierry a une belle plume. Hein, Bien. Puis j'ai aimé ce genre de mots un petit peu modernes quand même, quoi. Je veux dire, c'est tout cassé à l'intérieur, c'est pas toutes les 5 minutes qu'on dit ça, quoi. Je veux dire, bah, c'est surprenant. Quand j'ai écouté ces mots-là, je me suis dit, c'est génial, quoi. J'ai tout de suite accroché à la chanson. D'accord. C'est vrai, c'est tellement vrai. Quand on a une peine de cœur, on est tellement tout cassé à l'intérieur que c'est, il fallait trouver les mots, il les a trouvés, c'est merveilleux. Oui, c'est vrai que voilà, Thierry fait des beaux textes. Hein. Et c'est vrai, comme tu disais tout à l'heure, on entend beaucoup parler de Thierry dans les émissions. C'est vrai que voilà, mais bon, c'est tout à fait à son honneur, bien sûr, puisque c'est un bel auteur, Thierry. Hein, voilà. Ouais. Alors oui, donc je parlais de Thierry, mais bien sûr il y a aussi Patricia Carly, je sais pas, je peux en parler, mais Patricia bon ça. Patricia Carly qui a fait des musiques, quoi. Elle m'a fait deux musiques dessus. Oui, oui. Et j'ai une amie Francine qui m'a écrit aussi des textes dessus, où on a travaillé ensemble, on a collaboré sur un puis avec l'autre. Mais c'est quelqu'un d'un très grand talent et c'est merveilleux parce qu'en fait cette Francine, cette dame, oui, est châtelaine, voilà, et elle faisait très beaux poèmes, mais elle n'était pas partie pour faire des textes. Et je lui ai dit, mais attends, ça serait super, on peut faire des chansons avec ce que tu écris. Et elle m'a dit, mais j'y comprends rien. J'ai dit, bah écoute, mets les textes en chansons, tu supprimes plein de mots et tu gardes que ce qui est le plus beau. C'est ce qui s'est passé, voilà. C'est merveilleux. D'accord, elle a eu beaucoup de magie dans ces mots et c'est superbe aussi. Bien sûr. Ah. Et puis alors j'ai vu aussi Fanny aussi qui écrit. Fanny aussi, mais sans grain de sel. Alors c'est en famille, hein, on travaille en famille. Hein. Ah oui, je vois ça, oui. Et puis il y a aussi un garçon, un ami qui est dans en Belgique, qui s'appelle Christian Croin. Oui, je l'ai, oui. Il a fait de très très belles chansons aussi, on a travaillé sur un ou deux textes. Et le reste aussi, c'est un très bon compositeur, auteur-compositeur. Musicien de surcroît et chanteur parce qu'il est dans un groupe à l'époque et c'est un garçon qui a beaucoup de talent aussi. En fait, j'ai eu beaucoup de chance dans cet album, je s'entourais de gens de talent. Alors du coup peut-être que j'ai du talent, je sais pas. Bah sûrement quand même, Christian. Non, quand même. Alors, album en toute simplicité. Oui. Et j'ai répété. Pourquoi en toute simplicité, oui. C'est ça. Simplement parce que mes relations avec le public a toujours été belles et pleine de simplicité, pleine d'humilité, pleine de gentillesse, pleine d'amour. Ça, c'est très important. Et donc, c'est un message que je voulais leur faire passer à nouveau pour les retrouver en toute simplicité, parce que on se prend pas de chou entre nous. Oui. Il n'y a pas de monsieur de la grange, il y a mon ami Christian, et c'est bien plus beau comme expression. Voilà. C'est vrai, c'est bien, hein, plus, comme je disais, oui, convivial, tout ça, c'est... Donc, amical, bien sûr, oui. Moi, je suis tellement près de ce public qui est devenu, sont devenus mes amis au fil du temps, hein, beaucoup, hein. Bien sûr. Que lorsqu'il y a un mariage, une naissance, peut-être même un décès, malheureusement. Oui, malheureusement, ça fait partie de la liste des premiers prévenus, quoi. D'accord. Voilà. Ouais. Ça témoigne, c'est vrai que voilà, de belle amitié, voilà, que tu partages depuis longtemps avec ton public, hein, Christian. Hein, c'est tout vrai. Tout à fait. Tout à fait. Alors, écoute, si tu veux, Christian, on va commencer par écouter la première chanson. Donc, répare-moi. Et voilà, et Thierry va être content. Et puis donc, on se retrouve après. D'accord. Merci. Je ne sais plus si je suis capable d'aimer encore une fois. Tout est scinté, tout est traqué là dans mon cœur, vidé de toi. Je ne sais pas si je peux lutter et résister tout seul comme ça. Je crève d'envie de te revoir. Et toi dis-moi, fais-tu aussi souvent que moi ce rêve-là? Répare-moi, c'est tout cassé à l'intérieur. Répare-moi, je n'ai pas assez de ta chaleur et de tes mains qui me guérissent. Répare-moi, fais ça encore. Je ne sais plus, privé d'envie, inassouvi, survivre à toi. T'as des ressources et l'énergie que je n'ai pas. Comment tu fais? Je ne sais pas comment me faire à ton absence loin de tes bras. Les secondes sont bien plus que des mois et des mois. Et toutes ces ombres qui me hantent, l'ombre de toi dans mon sommeil. Répare-moi, c'est tout cassé à l'intérieur. Répare-moi, je n'ai pas assez de ta chaleur et de tes mains qui me guérissent. Répare-moi, fais ça encore. Répare-moi. C'est tout cassé à l'intérieur. Répare-moi. Je n'ai pas assez de ta chaleur et de tes mains qui me guérissent. Répare-moi. Je t'en prie. Répare-moi. C'est tout cassé à l'intérieur. Répare-moi. Je n'ai pas assez de ta chaleur et de tes mains qui me guérissent. Répare-moi, fais ça encore. Répare-moi. Répare-moi. Voilà, je pense que c'est le titre éponyme de ton album, Christian. Ah, on a perdu Christian. Je rappelle, on va écouter une autre chanson. En attendant, et puis je vais rappeler, voilà, on écoute la 2 s'il te plaît, Lia, côté cœur. Merci. Mmh. t'as perdu. Avec toi j'étais roi, mais sans toi je suis quoi? La peine dans mes veines, t'as brisé les chaînes. Regarde-moi côté cœur. Cœur cassé n'est pas une vie brisée. Même si ce qui reste part en fumée. Le sable est plein d'étoiles en poussière. De rêves cassés en mille prières. Je t'aimerais côté cœur. Je t'espère encore, je n'attends plus autant. Je suis pas un prince charmant. Même si t'es ma reine et que je n'ai plus 20 ans, regarde-moi côté cœur. Cœur cassé n'est pas une vie brisée. Même si ce qui reste part en fumée. Le sable est plein d'étoiles en poussière. Avec toi juste vivre, plus rien à chercher, sans oublier de s'aimer. Plus fort que la passion, la même horizon, regarde-moi côté cœur. Cœur cassé n'est pas une vie brisée. Même si ce qui reste pas fumée. Le sable est plein d'étoiles en poussière. Des rêves cassés en mille prières. Je t'aime à côté cœur. Côté cœur, voilà. On a retrouvé Christian. Ah oui, oui, oui. Mais écoute, Christian. C'est bien loin, hein. J'étais là. Hein. Ouais, ouais, ouais. Non, mais bon, c'est vrai que des fois, avec les aléas, comme on dit, de la technique. Bien sûr. Bien sûr. Mais tu sais, j'avais peur quand même, Christian, que tu étais parti chez Castorama. C'était pour la petite blague, c'est pas la petite note d'humour. Ah non, ils sont encore ouverts. Alors là, j'aurais pu y aller. Ouais. Alors, je disais, avant qu'on soit. Voilà, je disais donc « Répare-moi », c'est le titre éponyme de ton album, je pense. Hein. Oui. Ouais, voilà, donc on a parlé tout à l'heure. Dans cet album, Christian, c'est toutes des nouvelles chansons, et je dirais oui. à part deux. Ouais, toutes sauf une. Oui, toutes à part deux. Ouais, je dis. Il y en a une qu'on a totalement réenregistrée aussi, oui. Mais qui est passée vraiment très inaperçue, donc elle est comme si elle était neuve. Hein, c'est, bien sûr, oui. Ça s'adresse aux mamans aussi, pareil. Mais il y en a une qui a été reprise parce que je faisais un duo connu avec Gene Manson sur scène. Voilà, je partage une chanson où à l'origine je ne faisais que parler un petit à l'instar de Delon et de Dalida. Encore, parler, voilà. Voilà, ouais. Ben, comme on était sur scène, je ne faisais pas que parler, parce que je me serais très ennuyé. Oui, donc, je me doute. On faisait déjà la chanson, et puis lorsque j'ai fait l'album, Gene m'a dit, mais écoute, ce serait vachement bien qu'on refasse une chanson en même temps. Donc, on a tout refait, l'orchestration, oui, les contrats, C'est 40, plus de 40 ans après, voilà, on est là. D'accord, non, mais c'est beau. C'est bon, je connaissais la version de 1976, si je me trompe pas. Oui, oui, 42 ans. Voilà, là, et puis j'ai réécouté, enfin j'ai écouté bien sûr ton album, mais cette chanson, Les larmes aux yeux. L'amour était un tel, mon cher. Pardon? Mon cher Gilles, oui. L'amour est éternel. Ah, ben, bien sûr. Ah, ben, c'est tout à fait. Et puis, je veux dire, voilà, cet album, Christian, c'est plein de, comme on a dit tout à l'heure, plein d'amour, de tendresse, de, je dirais, est-ce que c'est un petit, comment je pourrais dire ça, je veux pas dire un best-of, non, bien sûr pas, c'est pas un best-of, mais, un petit récapitulatif, parce que ça parle d'amour, bien sûr, ça parle d'amour, ça parle des mamans, ça parle aussi de oui, petites filles, de... L'amour en général, de toute façon, oui, c'est quand même essentiel dans notre vie, dans nos cœurs. C'est essentiel de pouvoir aimer quelqu'un et de le lui dire surtout, parce que je crois qu'on ne dit pas assez je t'aime aux gens. Exactement, ouais. Que ce soit même entre hommes, avec un pote, c'est vrai, c'est beau. Mon amitié est tellement forte que je t'aime, mon ami. Tu vois, je veux dire, voilà. Oui, oui, bien sûr. Il faudrait le dire, tu vois. C'est ça serait tellement plus beau. Et surtout entre parents et enfants. Oui, c'est vrai. Parce que moi, je sais que j'ai beaucoup souffert dans ma jeunesse. Ça se disait pas, il y avait une pudeur, on disait pas je t'aime à ses parents. C'est vrai, ouais. On le sait, quoi. Alors moi, quand soit bébé, mais après, c'était fini. Je souffrais beaucoup de ça et il a fallu que j'attende que ma maman soit en train de mourir pour oser lui dire je t'aime, quoi. Oui, bien et sûr. Ça fait énormément de bien, parce que si je l'aurais pas dit, j'aurais été mal. Et voilà, ça se disait pas à l'époque. Et donc, moi, mes enfants, ça a été quelque chose d'assez, régulier et très rare qu'on s'écrive et au bout d'un moment, un bisou, je t'aime, c'est toujours là, quoi. C'est un besoin d'exprimer. Bien sûr, et comme tu disais, on ne se le dit pas assez souvent. Même, enfin maintenant, et bon, je te rejoins parce que bon, je pense qu'on est un tout petit peu, à peu près de la même génération, bien sûr. Et c'est vrai qu'on était, je sais pas, si c'était de la pudeur ou quoi, et on ne disait pas assez je t'aime à nos parents, ouais. Et même, enfin maintenant, c'est vrai, il faut dire je t'aime, et que ça soit à la famille et aux amis et voilà, à tout le monde, voilà. Et bon, oui, aux amis, et même si l'amour d'un couple et commence à s'agir énormément à devenir quelque chose de reçu, quoi. On sait que c'est comme ça qu'on s'aime, mais il faut quand même le dire parce que c'est quand même important. C'est très important, ouais, tout à fait. Alors, je rebondis juste, je fais une petite parenthèse. Il y a une très belle chanson, ben, je pense que tu dois connaître, de Patrick Fiori, oui. De son dernier album. Non, voilà. Je connais pas, non, mais... Il a une très belle chanson, d'ailleurs, j'ai plus le titre en tête, mais de très belles paroles, très belles chansons, justement pour dire, voilà, il faut dire aux gens qu'on les aime, et c'est très bien fait. C'est vrai. Ouais. C'est français. Voilà. C'est français. Alors, donc, pendant notre petite... quand on s'était perdu, donc on avait passé une deuxième chanson, hein, Côté cœur. Oui, c'est une des chansons de Francis dont a écrit Patricia Carly, a écrit la musique aussi. Oui. Patricia a toujours beaucoup de talent aussi. Elle fait de très belles chansons, et c'est un régal, tant mieux. Bien sûr, puis tu as travaillé longtemps avec Patricia, Carly. Hein, oui, ça a été mes premiers moments avec Patricia. Les premiers moments, oui, oui. Ouais. Bien sûr. Alors, moi, je voulais aussi une petite question comme ça. Pas de duo avec Angela sur cet album. Non, pas de duo avec Angela, non. On lui fait un petit coucou, Christian, si toutefois, je sais pas si... Bien sûr. On lui fait un petit coucou. T'as un talent énorme. Oui, voilà. Qui fait des choses extraordinaires aussi, parce que c'est quelqu'un de qui a, comment dirais-je, qui a déjà beaucoup de talent, et puis c'est comme elle est comédienne, elle a fait une pièce de théâtre, une comédie musicale, si je oui. peux dire. Mm-hmm. C'est un one-woman show, sauf qu'il y a un guitariste comédien avec elle aussi, qui raconte l'immigration de ses parents, et c'est quelque chose d'assez fantastique. Oui, oui. À voir, et c'est très drôle, très émouvant, et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui accrochent avec ça, et c'est très bien. Bien sûr. Alors, je suis en train de regarder vaguement, je sais pas si je vais arriver à trouver, je sais qu'elle va être... Oui. Va être pas très loin des Vosges, mais je sais pas. Voilà, alors je vais te dire, Christian, donc j'avais eu un petit contact avec Angela. Elle sera à Wittenheim en Alsace. Voilà. Le 28 septembre. Voilà, exactement. Et bon, alors je pense qu'on aura peut-être la possibilité d'après ce qu'elle m'a dit, elle serait là quelques jours avant pour la promotion. Donc c'est possible. Peut-être que l'on se verrait à ce moment-là. Enfin, nous, on a prévu de venir au spectacle, déjà. C'est vrai que j'ai eu l'occasion de te rencontrer avec Angela, tu sais, sur les prestations. Regardez. Et on a prévu de venir voir Angela en spectacle, mais je veux dire, avant, on pourra peut-être se voir pour promouvoir le spectacle. Bien sûr. Pour ceux qui veulent en savoir plus, ben, allez par exemple sur Facebook, vous tapez Angela Amico et vous allez tomber sur sa page. Il y a sur une petite vidéo qui résume un petit peu son spectacle. Oui. Voilà. Vous verrez, vous aurez une petite idée, ça vient d'être mis. Et puis il y a aussi son site angelaamico.fr, voilà. Angela-amico.fr, pardon. D'accord. Voilà. Ouais. Vous pourrez aller voir un petit peu ce qu'elle a fait. Ce qu'elle a fait, oui, puis les chansons. Très, très, très, très, plein d'admiration pour ce qu'elle fait parce qu'elle a beaucoup de talent. Oui, bien sûr, c'est vrai. Moi, j'ai eu l'occasion de la voir, hein, Angela. Tu sais, dans les prestations de Daniel Schirk, tu sais, en Alsace, hein, j'ai eu l'occasion de voir tout ça, voilà. Et puis, les chansons italiennes, hein, c'est formidable aussi, hein. Voilà, c'est voilà. Alors, oui, voilà. Donc, j'ai ma secrétaire qui m'a réécrit sur mon smartphone. Bon, je reviens sur le titre de Patrick Fiori, c'est Les gens qu'on aime, voilà. Ah, les gens qu'on aime. Les gens qu'on aime, c'est une très belle chanson. Okay. Voilà, bien sûr. Voilà, voilà. Alors, Christian, moi j'aimerais bien qu'on passe une troisième chanson, oui. Que j'aime beaucoup, là aussi celle-là qui est un petit peu plus rythmée, enfin voilà, qui s'intitule Couleur Lumière. Alors ça, c'est une chanson que j'ai faite pour raconter, enfin ça raconte un petit peu ma rencontre avec tous les gens dans le monde, à travers le monde. Et c'est vrai que on ne peut pas juger quelqu'un qui est différent de nous simplement par sa couleur de peau. Oui, bien sûr. Voilà, il y a tellement de. C'est vrai que moi je dis toujours, c'est un petit peu les gens qu'on rencontre, c'est la règle des trois tiers. Il y a un tiers d'idiots, un tiers de normaux, un tiers de géniaux. Voilà. Et ouais. Ceux qu'on rencontre de géniaux, c'est fabuleux, quoi. C'est des gens merveilleux qui nous apprennent beaucoup de choses. Et donc cette chanson Couleur Lumière, ça dit simplement ta couleur de peau m'apprend rien sur toi. Ton âme n'a pas cette couleur-là, quoi. Oui, pas. Oui. C'est ça. D'accord. Alors on écoute Couleur Lumière. Allez, merci. Nous inonde, mélanger couleurs du Couleur lumière. Christian Delagrange cet après-midi dans, sur les ondes de Radio Guémozo. Voilà Christian. Une belle chanson encore là. C'est rythmé, j'aime bien moi ça. Ouais. Et puis moi c'est rare que je sois aussi heureux d'un album. Mais celui-là c'est mon préféré depuis très très très longtemps. Oui c'est vrai que bien sûr moi j'ai tout écouté hein, pour choisir les chansons. Bien sûr, oui. On ne pourra pas tout passer, mais c'est pas facile. C'est pas facile. La bonne chouette, hein. Oui. Toute chouette. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est rare, franchement, c'est rare de. Moi, j'ai un morceau tombalé. Il y en a qu'une qui est un peu spéciale. Oui. C'est pas réellement belle pas, hein. Oui. C'est qu'elle est un peu spéciale parce que c'est un titre qui a été fait pour l'affectif, pour la. Écrit par le papa de Fanny pour sa petite fille. Ah d'accord, voilà. C'est Lila. Voilà. Lila est là. Et donc c'est une petite commande un peu spéciale. Alors les gens vont peut-être se demander ce que ça fait au milieu de cet album. Moi, c'est une chanson auquel que j'ai tenu à mettre parce que c'est toujours une histoire d'amour, d'amitié. Ah oui. Et il faut rendre hommage à tout ce qui est beau. Voilà. Et ça, c'est un bel hommage d'un papy à sa petite fille. Voilà. Bien sûr, et puis sur des très belles, des très belles paroles. Moi, j'ai beaucoup aimé. Hein. Ça, franchement, j'ai beaucoup aimé aussi. Alors, il y a donc, tu sais qu'on a, j'ai deux invités. Donc, il y a Sylvie, oui. Sylvie alors, qui voudrait te dire un petit mot. Question. Oui. Oui, alors, non. Oui, Christian, je disais à Gilou, tu as toujours le même timbre de voix particulier qui est chaleureux à notre cœur, qui est très émouvant aussi. Oh là là, ça me fait tellement plaisir. C'est très gentil. C'est très, très gentil de me dire ça. Merci beaucoup. Merci. Je ne l'ai pas payé, Christian. Bisous. Je plaisante. Et puis je crois que Christian aussi, vous voulez te dire un petit mot. Avec Christian, c'est meilleur. Hein. Oui, voilà. Ben, ma foi, félicitations pour tout ce que tu nous apportes en bonheur, en chanson. Ça nous fait revivre nos jeunes années. Ah oui, parce qu'il y a peut-être eu des bêtises faites dessus, non, sur les chansons de l'époque. Oh, moi je suis toujours sage, moi. C'est quelqu'un de très raisonnable. Alors moi, j'étais moins raisonnable parce que moi j'ai pas mal flirté sur tes chansons, Christian. Il fallait que je la fasse. Hein. J'ai déjà dit, mais il fallait que je la fasse. Surtout sur Tendre Cathy. Ah. Bon, monsieur. Bon, voilà. Ah, bon. Sinon, c'est vrai que ça me touche beaucoup, ça me fait plaisir. Et puis, c'est quelque part, c'est à travers vous, je retrouve aussi tous les contacts que j'ai avec ce public qui est toujours très très chaleureux, très convivial. Oui. Et c'est un vrai plaisir de vous rencontrer, de parler avec vous. Et et surtout, c'est un plaisir aussi de voyager parce que la chanson qu'on écoutait, Couleur Lumière, évidemment, ça vient de l'humanitaire. Oui. Ça vient de mon ONG qui s'appelle Assistance Humanitaire Internationale. Oui. Et c'est une belle aventure humaine. Et donc, je voulais en dire quelques mots aussi. Oui, bien sûr, je t'en prie. C'est d'abord pour ceux qui veulent en savoir plus. Assistancehumanitaire.org à la fin. Assistance Humanitaire. Et, vous pouvez aller aussi sur Facebook en écrivant Assistance Humanitaire Internationale AHI. Voilà. Vous aurez toutes les derniers trucs. Toutes les dernières actualités et surtout une très belle actualité puisque nous sommes en train de construire un hôpital au Bénin, à Kétou. Oui. Qui remplace une structure de 100 mètres carrés qui soignait 400 000 personnes. Et là, il va y avoir 1800 mètres carrés, un vrai bloc opératoire qui est déjà en service d'ailleurs, un provisoirement en service. Oui. Et ça permet de sauver pas mal de vies d'enfants, puisqu'il y a beaucoup de césariennes qui sont comme ça, grâce à ça, et on sauve des vies, parce qu'il y a des enfants qui se retrouvent avec des cordons autour du cou, évidemment, l'enfant est condamné, et puis souvent la maman peut-être aussi. Donc, voilà, c'est quand même important d'être là, d'être présent, et je dirais jamais assez combien il est important que nous soyons présents dans ces vies. D'accord. Parce que c'est essentiel parce que malheureusement on ne pourra pas venir, on ne pourra pas accueillir tout le monde. C'est pas possible quoi. On voit bien, il y a un problème, il va y avoir un problème. Et donc si on veut que ces gens soient heureux, déjà, la première des choses à faire, c'est de leur permettre de rester au pays. Voilà, c'est quand même important de rester près des siens. Oui, et bien puis, sûr. De s'en occuper et de leur donner accès aux soins et donner accès à l'éducation et à l'apprentissage professionnel de façon à ce qu'ils puissent s'en sortir. D'accord. Voilà. Et après, ils sont loin d'être idiots, parce qu'il y a des gens très intelligents, il y a des gens, et puis surtout, ils ont une générosité fabuleuse. Moi, je me régale à aller là-bas. Je suis reçu comme si j'étais chez moi, et il y a un accueil qui est très chouette. Il suffit, comme toujours, de montrer patte blanche, de montrer qu'on est de bonne foi et qu'on est avec eux, et c'est merveilleux, l'accueil est fabuleux. Hein. Bien sûr. Et puis il faut préciser aussi. Christian, c'est vrai que tu es aidé aussi par de nombreux artistes. Et l'an dernier, il y en a un de chez vous qui s'appelle Jean-François Valence. Jean-François Valence, oui, bien sûr, oui, qui est de la région d'Alsace. Qui est venu chanter à Corbelin. Ah oui, j'avais vu l'affiche, oui, j'avais vu ça, C'est en Isère, voilà, c'est en Isère, et Jean-François nous a fait cadeau, même jusqu'à ses voyages, jusqu'à son déplacement, de façon à ce qu'on ait tout, le plus d'argent possible dans la caisse pour venir en aide. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Que nous faisons tout le temps, quoi. Je viens voilà, là. C'est ça. Ouais. Les artistes qui font ça, je me tire toujours mon chapeau parce que c'est beau. Puis un autre garçon aussi qui s'appelle Michel Monaco. Michel Monaco, oui. Voilà. Et puis, sans oublier, donc Angela qui était là aussi, et Delvis. Delvis. Avec qui j'ai fait un duo. Un duo. Qui est un garçon d'une gentillesse absolue et qui a énormément de talent. C'est un musicien, un guitariste fabuleux. D'accord. Donc Delvis, c'est un jeune chanteur, enfin, que tu as découvert ou... Alors, c'est lui qui m'a découvert. Ah, ouais, ok. Best speak. Il est allé me rejoindre sur un spectacle, et il m'a dit, voilà, j'ai une chanson à te proposer. Oui. Et oui, pourquoi pas. Et j'ai dit, bon, voilà moi. Alors, il me l'a envoyé, et quand j'ai vu ce qu'il écrivait dessus, le texte, je trouvais ça assez fabuleux, parce que c'est le conflit d'un père et de son fils. Oui, bien sûr. Ça veut dire je t'aime, voilà. Voilà. Et qui sont en guerre alors qu'ils s'adorent, quoi. D'accord. Et donc, c'est tellement arrivé, moi, mon père, quand j'étais adolescent, mon fils et moi, quand on passe tous par là, quelque part. Oui, on a tous connu voilà, ça, bien sûr. Et puis un jour, et dans le crève l'abcès, on ose se dire je t'aime. Et là, de ce coup, tout s'arrange à merveille. D'accord. Je te propose, Christian, d'écouter cette chanson. Avec plaisir. Les mêmes, et voilà. Écoutez la façon dont il joue de la guitare dedans. D'accord. Ça tombe à l'envers, parce que moi, j'étais en studio avec lui quand il a fait son truc de guitare. À la fin de son chorus, les doigts vont dans tous les sens, on sait pas où il est. On n'arrive pas à les suivre tellement ça va être. D'accord. C'est un Jimi Hendrix, je veux dire. Ah oui, c'est un autre style, ouais. Un autre style. C'est un Jimi Hendrix, ouais. D'accord. On écoute Christian. Merci. Bien. De génération, pour un oui, pour un non, reproche, incompréhension, alors on se fâche pour le monde. Je lui rejette toutes mes misères, mon physique ou mon prénom. Pourquoi suis-je sur terre? Mais pourquoi, oui, à quoi bon? Femmes qui ont fait pleurer ma mère, déclarer ta flamme. Pour moi tout ça reste un mystère. Parce que tu cherches tes repères, tu recherches sans cesse tes amours. Alors tu penses que ton père joue ce même jeu à son tour. Les mêmes, voilà, effectivement, Christian, la guitare, là, ça déménage. J'ai quoi, ben, Ouais. Je joue pas aussi bien, je suis très jaloux. Non, mais c'est vrai, on le voit pas, mais à l'écoute, déjà, comme ça, là, ça, waouh, c'est vrai, c'est que ça déménage. Ah, encore. Du studio, ça peut toujours être arrangé, mais en vrai, c'est pareil, quoi, hein, je veux dire. Mais... Oui, bien sûr, ouais. Alors, j'ai... Excuse-moi, Christian, j'ai un message de Laurie de Marc. Ah, d'accord. Oui, elle avait mis... Alors, bon, j'en profite aussi pour saluer toutes les personnes qui nous ont mis des petits commentaires, des petits likes sur la publication. Hein, comme tu as dû l'entendre dans mon intro, on a eu plus de 800 personnes qui ont aimé la publication, enfin, pour cette interview avec toi, Christian. Donc, je te livre le petit message de Laurie. Alors, bonne interview pour cet après-midi. Pouvez-vous remercier Christian, pour moi, pour tout ce qu'il a donné à ses fans. Album magnifique. Voilà. Oh, ça fait plaisir. Je cite, voilà, de Laurie. Merci. Voilà. C'est bien. C'est moi qui la remercie de m'écouter, parce que c'est tellement important, quoi. Je veux dire, c'est... On existe grâce à moi, comme tous les autres artistes, on existe grâce à un public, parce que c'est... Oui. Vous qui nous faites, c'est vous qui nous donnez cette chance de pouvoir chanter, et c'est vraiment quelque chose de merveilleux, quoi. Bien sûr. C'est merveilleux. C'est comme je dis toujours, c'est vrai. Faire un album, enregistrer l'album, c'est bien, c'est formidable, hein, je veux dire, être en studio, voilà. Mais après, c'est la scène. Après, c'est scène. Après, le contact avec le public, quoi, comme tu dis. C'est là où on vit, c'est là où on. C'est là où on se remplit de bonheur et de joie, parce que c'est notre cœur, on entend notre cœur battre, quoi. C'est merveilleux. Hein. Ouais, puis les gens, je pense, repartent du spectacle avec des étoiles plein les yeux, avec du bonheur, avec alors, du partage. Oui, je sais pas pour moi, mais par exemple, je sais que, parce que je reste un peu avec eux, puis peut-être, il y a cette expression de bonheur qui vient exprimer quand on se voit, mais je suis pas petite souris pour aller savoir ce qui se passe en dehors de ça. Mais par contre, pour Angela, quand elle était au théâtre, elle a fait deux années de suite au Festival d'Avignon. Oui. J'adorais me glisser au milieu des gens, j'écoutais. Oui. Porter et chanter les chansons qu'elle avait interprétées. Et ça, c'est magnifique, quoi, parce qu'on se dit, bon, bah, quelque part, on apporte vraiment du bonheur. Et ce bonheur est réciproque, tant mieux. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Puis bon, ben, je disais aussi, ben, j'ai eu l'occasion de vous voir tous les deux, hein, chez Daniel, et puis ben, quand tu chantes aussi avec avec Angela, je veux dire, voilà, ça arrive. Ah, ça arrive. Bien sûr, c'est magnifique. Alors, moi, j'avais envie d'écouter la chanson Les larmes aux yeux. Oui. Tu as donc réenregistré avec Gene Manson. Bien sûr, voilà, on a dit tout à l'heure une chanson de 76. Et puis Gene Manson, bon bah tu l'avais rencontré bien sûr sur les plateaux télé, je suppose, hein, à cette époque, quoi, je veux dire, bien sûr. Donc on écoute Les larmes aux yeux. Allez, c'est parti. Merci. Salut. Tu vas bien? Ça va. Et toi? Moi? Ça va. Tu as les larmes aux yeux. Et j'ai les larmes aux yeux. J'ai mal de te revoir, de te voir. Ça fait longtemps. T'as pas changé. Oui. Heureuse. Je vis ma solitude. Et d'amour en amour, je te cherche toujours. Et je me brise. Dis un mot, fais un geste, et moi je te suivrai ma vie entière. Nos yeux disent tout le reste, tout ce que notre cœur essaie de taire. On s'est trompé d'histoire. On s'est connu trop tard. Mon tendre et impossible amour. Ne me parle pas d'elle. D'elle? Oui, mais s'il te plaît, ne me parle pas de lui. Ne me regarde pas comme ça, ou je me jette dans tes bras. C'est dur de faire semblant d'aimer. On a les larmes aux yeux. On est très malheureux. Ça fait trop mal de dire adieu. Laisse-moi aux yeux. Pardon, c'est moi qui m'étais éloigné un petit peu. Christian, voilà, on vient d'écouter Les larmes aux yeux, hein, donc duo avec Gene Manson. Moi, je dirais, mais qu'est-ce que c'est beau ces chansons, c'est toujours beau. Mais oui. on a plus de beau slow comme ça maintenant. Alors, ce que je dis là, ton album est magnifique, mais heureusement encore qu'il y a des artistes comme toi qui font ces belles chansons. Parce que moi, je le dis, ça n'engage que moi, mais je dis, maintenant, on n'a plus grand-chose en beau texte, en belle mélodie. Voilà, enfin, c'est mon ressenti à moi. Oui, je pense qu'il doit y en avoir. Bon, c'est vrai qu'on entend. J'ai bien peur qu'on ne les entende pas, c'est surtout ça, quoi. Oui, aussi, oui, bien sûr, oui. Oui, parce que. Avec les artistes dont tu as cité tout à l'heure, bien sûr, dont tu as cité, voilà, ils ont des belles chansons aussi. Jean-François Valence, Michel Monaco, enfin, voilà, voilà. Je pense qu'une sélection qui doit se faire au niveau des médias, qui est un média, qui est plus le fait de la recherche de sponsoring au niveau publicitaire. Au lieu d'aller chercher la beauté des chansons, quoi. Je veux dire, bon, voilà, c'est comme ça. On vit dans un monde où il faut consommer et faire consommer. Oui, bien sûr, ouais, c'est ça. Donc, ce qui est important, c'est de vendre. Et puis, tant pis si c'est pas beau, s'il faut être seul, c'est toucher les jeunes. Parce que moi, la lithium Y, je vais pas l'acheter, j'ai l'habitude d'acheter la lithium X, et puis voilà, c'est comme ça. Tandis que les jeunes, bon, on va encore les influencer, et c'est comme ça que ça se passe. C'est dommage, mais voilà. C'est la vie. Ben oui, bien sûr, c'est vrai qu'on se rabâche un petit peu en radio, mais je dis toujours, c'est quand même bien d'avoir un bel album dans les mains, hein, voilà. Oui, bien sûr. Voilà, bien la sûr. Preuve, donc on... Mon cher Gilou. Oui. Je vais pas tarder à vous lâcher, parce que... Ah, d'accord. C'est vous. Ouais. Voilà. Je prends énormément de plaisir à être avec vous, mais ce sera peut-être l'occasion peut-être aussi de se retrouver prochainement à nouveau sur l'antenne. Ah bah bien sûr, avec plaisir, Christian. Alors, on essaiera de passer 24 heures. Bah écoute, voilà, oui, bien sûr, mais pourquoi pas, je sais pas, au mois de septembre. Eh ben avec plaisir, au mois de septembre. Hein, allez. Pourquoi pas en live au mois de septembre avec Angela. Peut-être Sylvie et Christian viendront nous revoir et nous diront ce qu'ils en pensent finalement avec le recul de cet album. D'accord. Bon, juste Christian, pour terminer, donc ton CD, on est là pour faire la promo aussi. Je veux dire, donc on peut le commander sur le site de la FNAC. Normalement, on devrait les trouver sur les grandes surfaces, dans les grandes surfaces. Ouais. Et de toute façon, si vous n'y arrivez pas, il y a un moyen très simple, c'est sur les sites marchands. D'accord. Vous pouvez le commander sans problème, et en plus, c'est livré chez vous, donc c'est pas plus mal non plus. Voilà, c'est à peu près le même prix, je pense. Je pense pas qu'il y ait une grosse différence, voilà. Non, je pense pas. Et ce qui est important, c'est que vous puissiez après m'écrire et me dire ce que vous en pensez, soit sur Facebook, avec Christian Lagrange officiel, et vous me donnez vos commentaires, pas en privé, mais sur la page. Parce que sur la page officielle, ouais. Pas trop le temps de répondre à tous les commentaires privés. Oui, je me doute bien, c'est pas évident. Entre l'humanitaire, parce que présider une ONG, c'est aussi beaucoup de boulot, hein. Oui. On n'est pas en vacances, hein, c'est loin de son horrifique, c'est une grosse responsabilité. Et puis, partager avec les chansons aussi, et tous les voyages que ça va pas prendre. Voilà, je serai à Belfort, là, ce week-end. D'accord. Ah oui, à Belfort, ok, ouais, c'est pas trop loin. Ouais. Dimanche, je serai à Belfort, pour l'élection des Super Mamies, pour la finale. Ah d'accord, voilà. Ok. C'est sympa. Je sais pas où ça se passe exactement, j'ai honte. Je devrais le savoir, normalement, hein. Ouais. Bah, il y a tellement de choses, hein. J'espère que Fabienne Ollier, qui est la présidente, ne m'écoute pas, sinon je vais me faire tirer les oreilles. je vais essayer de regarder ça très vite. J'en sais rien, puisque le prochain spectacle sera à Albi le 26 juin, mais ouais. Je sais pas, mon webmaster a oublié de me mettre cette date. Ah ben non, c'est privé, donc c'est normal. Enfin, c'est privé entre guillemets, quoi. Oui, bien sûr. peut-être que finalement, ça serait bien. On regarde. Le public ici, hein, je veux dire. Bah oui. C'est pratique sur Facebook, hein. Ouais. Fabien Pellier, hop, je vais essayer d'avoir toutes les infos. Voilà, parce qu'à mon avis, elle doit en parler largement. Oui. Cette présidente chérie, elle est tellement gentille. Je vais donner ça dans quelques secondes si j'arrive à trouver mes trucs. C'est sur page qu'il faut aller, hein, non? Et puis il y a tellement de choses, hein, c'est vrai que c'est pas toujours. Fabien Ollier, tout court, hein, c'est simple. Moins de prendre la tête. Publication, c'est où ça? Personne. Publication, voilà, sur la page. Oui. Donc, je vous dis ça, je vous dis ça. En attendant, faites-vous un petit café. Oui, oui, ben on avait des petits chocolats. Sylvie nous a emmené des petits chocolats, tu vois. Ça a repris les chocolats. Ouais. Voilà. Et donc, je cherche. Ouais. Pas un tas de choses, ma mère, je vois un tas de trucs, mais. Mais c'est toujours comme ça, on cherche et on trouve pas le, tout de suite le. J'ai toujours fait plein de voyages, et, mais j'ai toujours pas le, la Chine et tout, mais j'ai pas le lieu où ça se passe, donc, voilà. Ça sera l'hôtel, Quality Hotel Belfort, France. D'accord. Là, okay. On sera là, nous. Maintenant, je pense que ça va se faire aussi dans cet endroit. Voilà, ouais. Et, si, vous venez, ben, ce sera avec un grand plaisir que je pourrai, D'accord. Que j'aurai la surprise de vous trouver. Bien sûr, voilà. Avec plaisir, Christian. Alors moi je voulais te remercier encore beaucoup de ta fidélité et puis de ta sympathie et puis je voulais te souhaiter voilà. Bref, je voulais souhaiter bonne continuation pour tout et puis pour ce bête album. À la radio aussi et je suis tout cœur avec vous et j'espère bientôt vous revoir. Je vous embrasse. Merci Christian. On t'embrasse aussi. Bye bye. Bye bye. À bientôt. Voilà, merci auditeurs, auditrices. Voilà, l'émission se termine tout doucement. Donc, quelle heure il est 17h, voilà. Hein, voilà. Donc voilà, j'espère que cette émission vous aura plu. Voilà, de retrouver Christian de Lagrange, voilà, grand artiste sur les ondes de Radio Gamozo et puis dans les années bonheur. Merci à Sylvie. Merci à Christian d'être venu là. Puis aujourd'hui, c'est l'anniversaire donc de Sylvie. Alors moi, je crois que je vais lui faire un cadeau. Je vais lui offrir l'album de Christian de Lagrange. Voilà. Bon anniversaire, Sylvie. Bon anniversaire, Sylvie. Donc voilà, merci Lia pour la technique. Merci pour ton sourire. C'est toujours un plaisir. Et puis donc, voilà, portez-vous bien. Bye bye à tous et à bientôt. T'es volé. À nouveau la pluie s'est mise à tomber. Tu repars au travail. Tu n'as pas le moral. Tu et tes fourmis deviennent cigales. Ça va.